Dieu n'est pas votre vieux camarade. Dieu est un père saint. On lui doit la crainte et l'honneur. Tu vois dire amen? Écoutez, dans la prédication, la foi dans le Fils de Dieu. La foi dans le Fils de Dieu. Prêché le 15 juillet 1952. Je prends la deuxième partie du paragraphe 24. La foi dans le Fils de Dieu. J'aimerais lire une portion de sa parole. Les paroles que je prononce ne valent pas grand chose. Mais j'aimerais lire sa parole. J'aimerais que vous fassiez attention à ce que la foi avait produit à Jérusalem. Lorsque les gens ont cru, lorsqu'ils ont vu le signe de Dieu dans Jérusalem, la foi avait produit des choses. Ne soyons pas une bande d'incrédules, mais un groupe de croyants. Nous ne venons pas ici pour un loisir culturel. Nous venons pour un service sacré à Dieu. Je veux dire, lorsqu'ils ont vu ce qui a été accompli, une femme et un homme s'étaient amenés. Ils avaient été faire quelque chose et ils sont venus se disant qu'ils pouvaient s'en tirer devant l'église. Mais ils ont menti à ce sujet. Et ils ont dit, nous avons vendu notre terrain à tel prix. Écoutez, frère Branham. Mais là se trouvait un homme qui était un prophète. Mais Pierre, dans sa présentation, ne s'est jamais présenté comme un prophète. Branham dit, là se trouvait un homme qui était un prophète. Tu peux me dire pourquoi? Discernement. À cause du discernement qui est connu habituellement comme un prophète. Oh, il a dit, pourquoi le diable a-t-il mis dans ton cœur de mentir au Saint-Esprit? Et suivez les commentaires. Le coup était tel que l'homme en est mort. Le choc dû à cette vérité dévoilée. Ce n'était pas le souhait de Pierre d'avoir un fidèle mort dans l'église. Il n'a pas molli Anania. Mais il lui a déclaré la vérité. Par discernement prophétique. Bien qu'il était un apôtre. Mais c'est un discernement qui a opéré. Parce que Dieu l'a voulu ainsi. Il manifeste ses dons comme bon lui semble. On ne peut pas lui tracer des limites infranchissables. Il est souverain dans sa volonté. Il a dit, pourquoi le diable a-t-il mis dans son cœur de mentir au Saint-Esprit? Ce que j'ai fait là, c'est le diable qui m'a donné ces idées. Vous voyez comment des fois nous sommes inconscients de ce que nous faisons. Mais quand un de Dieu nous secoue, et ça devient tellement choquant, et vous ne pourrez plus vous en sortir. Et la honte, et la déception de se retrouver au centre comme étant un instrument du diable. Devant la Sainte Église de Dieu. Rendant le service au diable. Sans le vouloir. Voyez comment vous étiez arrivé de faire ça. Le coup était tel que l'homme en est mort. Le choc dit à la vérité. Un plan satanique dévoilé devant vous. Voici venir sa femme, Saphira. Ananias et Saphira. Ananias et Saphira. Quand ils sont rentrés, il y a aussi dit. Tu as emporté ton mari. Et voilà. Quelle puissance de discernement. Je vous assure. Lorsque les gens ont vu ce discernement, cet esprit opéré et désigné la personne en question. Et dire de qui il s'agissait. Les critiqueurs se sont tus. Mais aujourd'hui, ce sont des effrontés. Les lots Bazaba Misonga. Misonga, effronté. Bazaba 207, Otier Totier. Misonga, les effrontés. Et l'ongi. Omegi Masongi. Même quand ils voient le Saint-Esprit opérer, ils sont prêts à défier. C'est le degré de chute, la profondeur de chute dans laquelle les hommes d'aujourd'hui se retrouvent. Autrefois, quand on voyait un don opérer efficacement comme ça, les gens se taisaient. Il craignait Dieu. N'est-ce pas vrai? Acte 5, on l'a lui ici. L'impact est là. Verset 5. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Donc c'était un choc lui aux paroles que Pierre a prononcées. Les paroles de discernement n'ont pas la malédiction, mais juste la vérité en détail. Ils allaient qui malobaya bossosoni, conçu comme Kabbal. Ils allaient qui malobaya bossosoni, kasi elakeli madote. Bah pour être juste sur le Satan, c'est la crainte de Kosala n'a cessé. Et ok, rien de maloba oyo a quoi il n'en sait pas à Kofi. Imaginez que Dieu déverse dès ce soir un tel discernement parmi nous. Vous n'avez pas de cadavres parmi nous ici. Vous voyez les sœurs honnêtes. Vous les frères. Votre vie d'impudicité à côté. Vous avez des matangs. Et des copines. Et vous les frères. Des copines et des copains. Si Dieu déclenchait ça de ce soir. Que ce soit juste une série de deux semaines. Soir après soir. Discernement. Cas par cas. Amen. Amen. N'allons-nous pas enterrer les gens ici? Ce que vous allez être un zambé à Kitissi, mon limouana Ao, et vous allez être un peu sur mes balles. Pourquoi on a pas connu ça? Papa, il y a un poids de mouton à mouton. Ao, il y a un peu de l'un des résultats les plus prévisibles, c'est que plusieurs vont vider l'église. Mon fouille. Mingi. Ce que vous allez être un zambé. C'est Nicolo, on a essayé un empêchement. Moussala. Et puis, en train de raconter des histoires. Tu ne peux pas tromper son cœur. Cette église est une église de Dieu. Amen. Et que les choses vont reprendre dans l'église. Amen. Dieu ne va pas vous prévenir. Amen. Et dès la semaine prochaine, nous toi libosons et vous les libérer. Amen. Dis-moi à ta place, dès ce soir, je vais couper toutes les relations impures. La Bible dit chercher la sanctification. Amen. Alors, personne ne verra le Seigneur. Amen. Il est temps d'abandonner le péché. N'attendez pas un forcing. Que quand la puissance de Dieu va commencer à se déchaîner, rien ne pourra stopper. Ça deviendra court circuit. Dieu purifie à son église. Pour voiler la nature de chacun. Mais les hypocrites. Quelle que soit votre fonction à l'église. Amen. Ananias, entendant ces paroles, Thomas expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Sans exception. Une grande crainte. Il y a quelqu'un dans ma tête. Vous voyez ça? Vous verrez, dans la suite là, on va arrêter les apôtres. Ils prennent toujours des éléments. Ils ont arrêté l'homme en prison, mais l'ange est venu les sortir de là. Ici dans chapitre 5, on pouvait mettre la main sur les gens. On est allé décapiter Jacques et tout. On a voulu faire des histoires. Mais Dieu reste Dieu. Il défend ses croyants. Ils ont pris Pierre, ils l'ont mis en prison. L'ange est venu par la puissance du surnaturel. Il a ouvert la prison. Il a libéré Pierre. Il est retourné. Il a ramené à l'église. Elles lui ont privé de la chair, mais l'ange l'a ramené à la chair. Ça, c'est la foi qui a été transmise au saint, une fois pour toutes. Comme je le disais hier, frères et sœurs, soyez en feu. Je vais voir les doigts. La grande majorité a les bénédictions. Si quelqu'un n'avait pas les bénédictions, il y a beaucoup de choses qui sont. À l'église, il y a des gens qui sont. Quand tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as Nous voulons que Dieu ramène ces choses. Amen. Le message est déjà restauré. La puissance de Dieu est dans le message. La Christ est dans son message. Les œuvres et les fruits doivent revenir et abonder. Amen. Dieu va manifester ses dons comme il veut. Gloire au Seigneur. Alors, aujourd'hui, ils sont les effrontés. Oh là là, ne craignez même pas ça. À cause du grand degré d'incrédulité qu'il y a dans le cœur des gens. Ils sont devenus trop scientifiques, trop sceptiques. Ils doutent de tout. Même du vrai surnaturel. Mais que cela ne vous fasse pas reculer. Nous avons Dieu. Soyez certains de votre Dieu. Écoutez ceci. J'aurais souhaité avoir le temps de lire tout cela. Actes 5 à partir du verset 12. Je crois que nous allons commencer un peu plus loin. Commençons tous par au verset 12. Parce que je n'ai pas le temps de lire cela. Voyez là. Actes 5, verset 12. Qu'est-ce que ça dit? Nous voulons que cela revienne dans l'église. Même le verset 11 et 12. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Amen. Ils Et aucun des autres, verset 13 et 14, aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple le louait hautement. Katinabato Mususu, Moto, Moko, Azalaki, Namolende, Nakosangana Nabangote Kasi, Bato Bakumisaki Bango Mingi. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. Voilà. Mte Bandimi, Babakisami, Nakoleka, Liboso, Ebelena, Nibali Pebasi. L'ambiance de réveil. Les croyants, les fidèles étaient en feu. Bandimi. Ils parlaient ce que Dieu faisait. Et ils parlaient de faire. Babanagne Kobrenzambe. Ils étaient en le Seigneur et les parlent partout. Aujourd'hui, ils sont trop inactifs. Trop passifs. Bazali, les croyants que nous avons maintenant, réveillons-nous du sommeil. Rallumons la flamme. Croyons chaud pour les choses de Dieu. Amen. Puisse le Seigneur ramener ce climat parmi nous. Au tabernacle des chrétiens. Croyons ce genre de témoins enflammés. Oui. Juste après la mort d'Ananias et de Saphira. Donc Pierre les a désignés du doigt. Et il leur a dit ce qu'ils avaient fait. La condamnation même de la chose. Le fait de savoir qu'ils avaient mal agi. Cela pourra leur causer un tel choc. Péché dévoilé au public. Cela leur a fait un choc mortel. Pensez-y un peu. C'était le Saint-Esprit qui parlait. Et il a dit, vous avez menti et vous avez fait telle chose. Et ils se sont effondrés. Croyez-vous que c'est le même Saint-Esprit? Amen. Parmi nous au tabernacle des chrétiens. Amen. Croyez-vous que c'est le même Saint-Esprit? Amen. Il a été défié bien des fois. Donc il y a des esprits d'incrédulité qui défient encore. Quand on dit que c'est le même Saint-Esprit, c'est waya. Ah ouais, c'est ça les mabons. Beta Mondengue, c'est le même Saint-Esprit. Amen. Défi, hein? Oui, oui, c'est les Josiens. David a la gamme de défi. Même dans la Bible là-bas. Attends, la Bible. Il est allé affronter Goliath. À quel âge vous dites Goliath? Amen. Et coopérer à où? Amen. L'église, oui. Amen. L'église, amen. Amen. Amen. On est en route. Parce que Dieu, amen. Dieu tolère encore, tolère encore. Alors vous pensez que vous pouvez défier, vous récréer, dandiner. Mais il y a un temps où la récréation va prendre fin. Il y en a qui vont fuir. Mais il y en a qui ont déjà fui sinon. Vous ne vous rappelez pas? Il y en a qui ont déjà fui cette église. Un sorcier a eu à fui. Hein? Ameki Simbite, il était obligé de déposer sa sorcellerie sur la route. Pour entrer comme un homme ordinaire dans l'église, ici, pour s'asseoir ici. Pati Simbite Akimi. Amen. Un autre était un petit serpent ici qui venait toujours prendre l'argent des transports. Une fois dévoilé, il a pris la fuite pour de bon. Même plus rien, hein. L'église ici appartient à Dieu. Amen. Amen. Hein? Mais sachez que le même Saint-Esprit qu'avait fait, c'est le même que son frère a reçu. Amen. Le même Saint-Esprit. Et c'est le même que j'ai reçu le 28 novembre 1992. Le même Saint-Esprit que Paul avait. Et que Brunham avait. Le même que nous avons eu. Amen. Pierre Pena Bangouna, Magané Gamalim. La cognée. Comme a dit Jean-Baptiste, est déjà jeté à la racine des arbres. Et tout arbre qui ne produit pas de bons fruits, sera coupé. Oh, Kouchika! Le temps de grâce là, Dieu annonce la grâce. Et si tu as des choses qui te dérangent, que tu n'as pas pardonné, viens les déposer. Amen. Il y a commis poids, le col moussouana, y a qu'il n'a mis comme tigre. On lui a rien forcé, lui-même. J'ai trop ensorcelé, j'ai essayé beaucoup, j'ai combattu l'église. Il est venu ici à l'hôtel. Aïe, il est tombé. Faites ça. Ça là. Parce que tous les sorceliers, Dieu voit. Amen. Dieu a un grand écran. Mais ils ont un cœur patient à ses serviteurs. Ils ne voulaient pas créer un scandale. Allons-y doucement, méthodiquement. Amen. Dieu donne du temps à chacun pour qu'il se répande. Quand nous parlons, il y a des choses. L'église ne restera pas dans l'apparence que tu la vois là cette fois. Il y aura des cueillettes. Amen. Kubuka mbume kozala. L'évangile est super puissant. Ça nous malamo ezana nguya mingi koleka. Okoluka siko baka nga frère David. Omonika na tango confinement wa. Dieu a montré encore quelque chose. Nous on tenait des réunions. Ma policier baya mbala mi bali. Ba bunginda kunanga. Ils sont allés chez le voisin. Oh, église, mais ça la kawa. Oh, tu sais, ah, tu sais. Ba zongi. Ba koya les sous. Zambe a yebi koma bomba ganga. Yo kokota makamana ngana zambete. Hein? Soki balobi, tombe la masomo, tika masomo. Musalo na lukangoti, na kana ngopete, c'est Dieu qui a imposé. Alors parce que c'est lui, il est son propre défenseur. Amen. Yo mokonde zali kolobela la kato. Kubatela musala na. Bameli jamba wana bakoya na bangu bakubungazela. Amen. Dieu est délicieux, c'est notre Dieu. Alléluia, alléluia. Amen. Baya kipena ba armée na bangu kuna ebele. Baya ko capturer Élisée. Zamba na Zamba. Voilà. Nous croyons au même Dieu là. Vous ne voulez pas croire? Vous ne voulez pas croire? Je n'entends pas une amène inanime. Ah ouais, bah sinon, c'est bien bien bien. Vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que nous prêchons le seul nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Il est réel, il dort pas. Amen. Il agit encore. Tous les gens par la bonne, ils n'habitent qu'à voir cela, mais télémi, parce que quand la systématiquement tous, regarde quoi les gars, ni mutuna. Vous passez tout seul, c'est des heures tardives. On est qui? Quoi ça? Il y a un Dieu qui existe. Amen. Parce que nous ne marchons pas dans la prostitution. Tu aimes ça? Croyez-vous que c'est l'âme Saint-Esprit? Déjà la cognée est jetée à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits. De quelle femme il s'agit? Les mangiers? Ça vous dit? Ils ont les chiens. Bino batoune. Wana batoune. Bouma malam. Amen. Amen. Melaka sango malamu. Botaka bouma malam. Amen. Il vient un temps où les choses changeront. Les choses évolueront. Parce que nous sommes au temps de la fin. Les choses ne resteront pas indéfiniment comme ça. Allons-y pas à pas. Le Saint-Esprit est dans l'église. Mais ce n'est pas le désir de tel ou de tel. Hein? Ça ne sera pas ça. En réalité, Frère Branham dit ceci, dans le sermon, il y a ici plus que Salomon. Voilà. Il y a ici plus que Salomon. C'était le lundi 15 mai 1961. La prédication précédente, j'avais le paragraphe 24, deuxième partie, le paragraphe 25. Dans la foi dans le Fils de Dieu. Alors ici dans il y a ici plus que Salomon. Dans l'ité, awa, ezalina, oya, par le sixième, dernière fois, il y a 9 dons spirituels qui opèrent dans chaque corps local. Nous croyons cela. Amen. L'amen n'est pas inanime. Amen. Je reprends. Or, il y a 9 dons spirituels qui opèrent dans chaque corps local. Nous croyons cela. 1 Corinthiens 12. Vous aussi? Vous croyez cela? Vous prenez 12. On a lu le verset 11 tantôt là. 1 Corinthiens 12, verset 11. Vous donne les dons de manière souveraine. Si vous remontez à partir du verset 6 jusqu'au verset 10, on explique les contours de dons et des ministères et des opérations venant de Dieu. Et ils sont même cités les 9 dons en question. Ils sont nommément cités là. Gloire à Dieu. Mais il y a 5 dons qui ont été ordonnés par Dieu pour l'Église. Les dons du corps. Quel est le premier? Il veut parler des ministères de la parole ici. Ordonné par Dieu. Pas de simples manifestations à courte durée. Mais ordonné des offices, des postes de travail. Des offices ou des postes de travail. Dieu établit les ministères. Quel est le premier? Les apôtres. Et ce n'est pas... En fait, à notre temps, c'est un missionnaire. Parce qu'apôtre et missionnaire signifient exactement la même chose. Missionnaire veut dire un envoyé. Apôtre veut dire un envoyé. Il y a donc les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs, les évangélistes. Voyez-vous, 5 dons. Or, un homme ne peut pas être un apôtre parce qu'il désire l'être. C'est Dieu qui établit ses dons à l'Église. Ce n'est pas le désir d'un homme. William Branham ne peut pas être un apôtre parce qu'il désire être apôtre. William Branham a dit qu'il ne peut pas être un apôtre parce que frère David désire qu'il soit apôtre. Mais c'est Dieu qui établit ce ministère. Donc on ne peut pas dire que Frère Branham est apôtre parce que le tabernacle de Dieu désire qu'il soit apôtre. Ça ne peut pas marcher comme ça. C'est Dieu qui établit les apôtres. Et si c'est Dieu, il faut qu'il nous le montre. Il va nous le dire. Et là, c'est Dieu qui a établi. Quand nous avons une parole de sa part, nous nous rassurons que c'est lui et c'est de lui qui s'agit. La décision est confirmée. Et maintenue. Donc, mais quelqu'un ne veut pas devenir apôtre parce que lui désire être apôtre. Côté ou parce qu'un groupe de frères et de sœurs dans l'église voit qu'il doit être un apôtre. Il trouve qu'il doit être un apôtre. Et c'est vous savez, quand je communiais autrefois avec les frères à Matadi, je visitais beaucoup de frères quand je n'étais qu'un frère. Il y a un frère qui est allé voir mon grand frère. Et puis, il lui dit, oh, mais votre jeune frère ici, il finira par devenir un évangéliste. C'est quelqu'un qui avait crié alors, ça, un juge d'ailleurs. Un frère de vieille date. Non, je vois lui un évangéliste. Mais lui dit, moi-même aussi je suis un évangéliste. Qu'est-ce que cela a à voir? Moi, je suis évangéliste, mais oh, Dieu m'a dit, il y a les problèmes des femmes. C'est ça ma faiblesse. C'est quoi tout ça? Vous voyez dans l'église les choses que nous rencontrons. Moi, dans l'église, oh, Dieu m'a appelé au ministère, mais j'ai beaucoup de faiblesses. Bien. Il ne faut pas que ce soit votre désir. Laissez Dieu établir les gens. Moi, je ne suis pas un évangéliste. Je ne rêve pas d'en devenir, hein? Mais lui disait ça il y a des années et des années. Et il est allé répéter encore la même chose. Ce n'est pas comme ça. Laissez Dieu dire ce qu'il y a. C'est pour ça qu'on a eu des prédicateurs fabriqués par les hommes. Si vous n'avez pas la maîtrise spirituelle pour vous laisser emballer par des choses comme ça, et c'est ça qu'on a fait des ministères, on me bloque. C'est un ministère, on me bloque. Toi, tu as vu le ministère d'être bloqué. Comment ça? Un ministère que Dieu établit, qui peut bloquer le ministère. C'est des histoires. On ne peut pas devenir apôtre par désir personnel. Amen. Oui. Maintenant la question qu'on se pose dans le cadre de la deuxième commission de William Branham. Parce que dimanche on a vu William Branham identifié comme apôtre et prophète. Mercredi on y est revenu. En deuxième partie. Et c'est William Branham a monissa mis le col en tombe pour nous. Voyez, mais dans cette commission du 7 mai 1946. Je vous ai démontré ici que le Seigneur en envoyant son ange. Il l'a mis en connexion. C'est que l'ange disait au prophète avec la vision de 1934. Vers l'œuvre d'un évangéliste. Mais dans le travail d'un évangéliste, on a dit clairement ici, il y avait la prière pour les malades. La guérison divine, n'est-ce pas? Au point que les gens pensent que si l'évangéliste n'est pas là, alors la guérison divine n'est pas là. Le problème a redressé cette pensée. Mais au moins, c'est ce qui est connu d'ordinaire comme au sujet du discernement qui s'exerce souvent par les prophètes. Oh, c'est grâce au don de guérison divine. La prière pour les malades. Le propre âme a vraiment exercé l'œuvre d'un évangéliste. Dans le monde entier. Et que le tabernacle, Branham tabernacle là, en réalité, comme le Seigneur avait dit, ce n'était pas son église. Là-bas, dans le voyage. Là, il a fait l'œuvre d'un évangile. Grâce au don de guérison divine. Tout ça pour captiver les âmes. À écouter le message qui a été mis. Et quand le message a été présenté, plusieurs hommes étaient comme ils avaient quitté Jésus. Alors, le don de guérison était le premier signe. Mais le deuxième signe dans la deuxième commission, c'était le discernement des secrets de cœur. Est-ce pour identifier un évangéliste? D'ordinaire, ce n'est pas ça. L'évangéliste n'est pas plus identifié et reconnu par un discernement des pensées, mais c'est plutôt par la guérison des malades et des miracles qui sont faits. Maintenant, le discernement qui lui était donné comme deuxième signe. Pour identifier le ministère apostolique ou prophétique. Parce que dans la Bible, ça opère dans les deux. Et vous allez tout pas apostolique ça. Vous allez Vous entendez la question? Je n'y réponds pas maintenant parce que le temps est fini. Gardez la question, méditez à cela. Il y a le deuxième signe, le discernement des pensées de cœur. Est-ce que pour identifier le ministère apostolique ou prophétique? Parce qu'après avoir exercé cette deuxième commission, pendant 14 ans, autour des années 1960, il prêche, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Et là, il annonce que mon ministère est en train de changer. Et il a déjà changé. Si depuis 33, jusqu'en 60, il exerçait un genre de ministère. Mais qu'ensuite il devait changer pour la phase finale. C'était pour devenir précisément quoi? Est-ce que vous suivez? Amen. On y reviendra. On y reviendra. Ce sont les choses de notre Père. On doit les maîtriser. Amen. Alors, il dit ceci. Or un homme ne peut pas être un apôtre. Parce qu'il désire l'être. C'est Dieu qui établit ses dons dans l'église. Et cet homme ne peut pas être un prophète parce qu'il veut être un prophète. Apôtre ou prophète, ça ne dépend pas du désir personnel. Ni du désir d'un groupe d'hommes d'une église. Ça doit être Dieu seul qui établit. Pour ce soir, nous arrêtons là pour poursuivre dimanche Dieu voulant. Là, il faudrait mettre chaque chose à sa bonne place. Comprendre chaque aspect du service divin. Lève-nous maintenant pour la prière. Le colonna e solo su e mai Prions chacun maintenant. Que Dieu visite son église. Que Dieu réveille nos esprits. Que Dieu embrase en flamme nos cœurs. Pour l'amour de Jésus et l'Esprit de Dieu. Prête à être utilisé comme il voudra. Non pas pour soupçonner les gens, mais pour rendre un service à Dieu. Malgré les défis, mais opposer la foi. Résister au diable avec une foi ferme pour que lui fuie l'un des deux. Consacrons-nous bien-aimés. Sanctifions-nous. Séparons-nous de tout mal. Ayons le mal en horreur. Le discernement existe. Amen. Il travaille diversement. Il peut opérer dans un frère, dans une soeur. Il est Dieu. Pour dévoiler les secrets des frères. Amener les âmes à tomber à genoux. Pour adorer les dieux vivants. Même les nouveaux venus. Ils peuvent faire face à ça. Pour aller témoigner que Dieu est réellement au milieu des frères. C'est toi que Dieu va utiliser. C'est toi ma soeur, c'est toi mon frère. Beaucoup de consécration. Beaucoup de prières il faut. Les esprits des démons doivent être éparpillés. L'armée ennemie doit être repoussée jusque dans ses derniers retranchements par des combattants aguerris déterminés à vaincre, à maintenir la victoire de Golgotha. Christ n'est pas mort en vain. Tous les défis sont vains. Nous serons plus que vainqueurs. Dieu l'a promis. Dieu doit le faire. Prions. Dieu notre Père de sainteté. Toi le souverain des cieux et de tout l'univers. Que ton nom soit sanctifié et adoré. Que ton nom soit béni et élevé. Que ton nom soit glorifié dans l'église et dans nos maisons. Qu'il soit glorifié dans nos cœurs. Le saint nom de Jésus-Christ. Dans lequel il y a tout. Dans lequel nous avons tout. Dans lequel nous recevons tout. C'est toi Jésus-Christ qui nous distingue. C'est toi qui donnes des noms. Toi qui établis le ministère. Il n'y a que toi qui nous distingue. Nous pouvons nous glorifier. Ni nous vanter. Mais nous donnons toute gloire à ton nom. Qui soit élevé, ministère. Chacun t'a parlé. Après que tu nous aies parlé. Tu connais les profondeurs des cœurs. Tu connais la situation de chacun. Ce que je te demande, c'est de briser l'incrédulité. Tout te trace d'incrédulité. Le système de doute. Il y aura dans un garçon. Dans une fille. Dans un frère. Dans une soeur. Brise la paix. Suscite la foi. C'est exactement. Une foi biblique. Comme celle qu'il y avait à Jérusalem. Que la foi produise encore des choses. Des miracles. Des signes. Des prodiges. L'opération des dons. La manifestation spirituelle. Le surnaturel. Pour purifier l'ennemi. Nettoie son peuple. Nettoie cette église. Pour les esprits résistants. Soumets-les. Tu as le pouvoir de tous. Exerce la domination sur tous ceux qui s'élèvent en résistance contre l'ordre divin, contre le service divin. Prends la défense. Soutiens ton programme. Manifeste tes promesses. Réalise tes promesses au profit de tes croyants. Ici et partout, Seigneur. Nous avons confiance que tu nous exauces. Tu nous sondes et tu nous connais. Dieu est notre roi. Il connaît tout ce qu'il y a en nous. Ce qu'il y a et ce qu'il y aura. Que ta volonté soit faite, comme elle est faite là au ciel, Seigneur. Que ta volonté soit faite dans l'église, comme elle est accomplie dans ton royaume pour la terre. Laisse que l'harmonie de ton royaume, la communion fraternelle, et l'amour de Père, la puissance de Dieu, pour cela abonde parmi nous. Réveille nos esprits. Réveille ceux qui sont morts. Réveille ceux qui sont discrets. Pour l'action de Dieu. À nouveau soutenir parmi nous. Que nous soyons en feu. Pour les choses de Dieu. Que nous soyons des termes de toi. Parce que tu utilises pour amener les âmes à Christ. Exauce nos prières. Pardonne nos péchés. Guéris les malades. Donne la force au Père, au nom de Jésus-Christ, nous prions ainsi. Amen. Veuillez vous asseoir, et que Dieu vous bénisse.